Exercice 6, page 48. A. Par ici, messieurs. B. Tu n'es pas sérieux. C. Ce n'est pas chez eux. D. Tu peux faire la queue. E. Je peux faire un vœu. F. Il peut faire un feu.